pas de réponse, mais je dirais de non-réponse. Moi, je ne vais parler que des peintres professionnels, parce que la pratique amateur, effectivement, est très répandue, et pas seulement chez les femmes, chez les hommes aussi, mais ce sont deux mondes totalement parallèles. Donc les amateurs appartiennent aux classes sociales supérieures et se forment auprès de ce qu'on appelle des maîtres à dessiner, qui d'ailleurs souvent viennent au domicile pour donner les cours. Et donc ils ont des professeurs particuliers. Et c'est extrêmement rare, sauf il faut des événements majeurs comme la Révolution française pour que des amateurs passent professionnels. C'est arrivé, il y a un ou deux exemples de femmes de la noblesse qui, réduites à la pauvreté, et émigrées en Angleterre ou à Vienne, finissent par vendre des tableaux pour pouvoir vivre, mais ce sont des cas tout à fait exceptionnels et rares. De plus, il y a une différence de technique aussi entre les amateurs et les professionnels, qui est que les artistes amateurs sont plutôt pratiquants du dessin, de la gouache, plutôt de la peinture à l'huile, et plutôt des petits formats que des grands formats, et ils pratiquent plutôt les fleurs, la nature morte que la figure humaine. Voilà. Quelques-uns excellents font des portraits, mais ce sera plutôt des miniatures que des grands portraits à l'huile. Évidemment, il y a des questions aussi pratiques, qui est que les amateurs n'ont pas d'atelier, donc et que la peinture c'est un art salissant. Donc il y a toutes ces considérations-là. Donc moi, je vais m'intéresser plutôt à des changements qui sont intervenus dans la formation des peintres au XVIIIe siècle, mais des peintres professionnels. Donc je vais à peu près... La période où les choses changent, c'est à partir de 1770, et c'est on peut dire que jusqu'à la fin du Premier Empire, une séquence s'ouvre, de laquelle je vais parler. Il y a assez peu de sources, donc c'est un peu fragmentaire, où il faut reconstituer. Les peintres ont rarement laissé des mémoires ou des écrits, donc il faut recouper à partir de lettres, d'articles de journaux, les œuvres elles-mêmes, et ensuite on essaye de reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Je vais commencer par vous faire assez rapidement un peu la situation de l'enseignement de l'art dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ensuite, je vais vous parler de la présence des filles et des jeunes femmes dans les ateliers, les écoles. Et je terminerai sur une polémique qui a éclaté au sujet de la formation des femmes artistes à la fin du XVIIIe et les enjeux que cette polémique a révélés. Donc, au XVIIIe siècle, à Paris, deux institutions artistiques coexistent et qui sont très souvent en conflit. C'est d'un côté la communauté des maîtres peintres et sculpteurs, ou maîtrises, qui existe depuis le XIVe siècle, et d'autre part, il y a l'Académie royale de peinture et sculpture qui a été fondée en 1648. Et en théorie, tout peintre ou sculpteur parisien doit être membre de l'une ou l'autre de ces institutions. Dans la pratique, de nombreux peintres, hommes ou femmes, y échappent, notamment tous ceux qui résident dans les faubourgs, et notamment au faubourg Saint-Antoine, où il y a beaucoup d'artistes, ou dans ce qu'on appelait les lieux privilégiés, comme l'enclos du Temple, où la maîtrise ne peut pas accéder. L'Académie royale, c'est un lieu qui se veut très élitiste et qui ne compte que 80 à 100 membres. C'est à peu près constant sur toute la période, et on les appelle les peintres du roi. Et en la période entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIe, 7 femmes ont été reçues à l'Académie de peinture. Et ensuite, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'autres femmes seront reçues. Dans la maîtrise, la maîtrise des peintres, c'est très différent, c'est-à-dire... c'est une communauté qui rassemble les artistes, peintres et sculpteurs, mais aussi des doreurs, les peintres en bâtiment, les sculpteurs qui font les cheminées, les peintres de les gens qui décorent des petites boîtes, les peintres de voitures aussi, puisqu'on peignait les voitures. C'est un métier qui a perduré. Mon arrière-grand-père était peintre de voitures. Ah oui. Mais il a vu l'avènement de l'automobile. Donc... Et donc, la maîtrise, à la fin du XVIIe siècle, compte 800 mètres à Paris. On est dans une toute autre proportion qu'à l'Académie. Et le nombre va aller en augmentant au cours du XVIIIe siècle. Et en 1764, on a un annuaire qui regroupe plus de 1000 noms. Et les femmes sont beaucoup plus présentes qu'à l'Académie, puisqu'on y trouve... Alors, il y a les veuves de maîtres qui continuent l'activité de leur mari. Et pour, je ne sais pas, celle qui était là l'année dernière, Noémie Etienne était venue parler de la veuve Godefroy, qui est un exemple assez flamboyant. Et outre les veuves, on trouve aussi les maîtresses peintresses, c'est-à-dire les femmes qui ont été reçues à la maîtrise. Donc il y a les maîtres peintres et les maîtresses peintresses. Et donc la maîtrise des peintres est une corporation masculine, mais elle a cette particularité qu'elle reçoit des femmes comme maîtres. Et dans les derniers statuts qui ont été enregistrés en 1730, elle prévoit même la réception de femmes et de filles qui ne sont pas filles de maîtres, qui ne sont pas issues d'une famille de peintres. Et dans les années 1760, elle s'ouvre encore davantage aux femmes, parce qu'il y a, donc, il y a deux façons d'être maître, en passant le chef-d'œuvre et en payant les frais de maîtrise, mais aussi chaque année, la maîtrise des peintres recevait ce que j'appelais les peintres par mérite. On y pouvait être reçu par mérite, c'est-à-dire qu'il y avait une simple visite des examinateurs à l'atelier qui vérifiait que la personne peignait bien ses tableaux elle-même. Et donc chaque année, quatre hommes pouvaient être reçus de cette façon. Et en 1760, la maîtrise décide que désormais deux femmes en plus pourront aussi être reçues. Et c'est de cette façon, par exemple, que Vigée Lebrun est entré, est devenu maître peintre avant de rentrer à l'Académie. L'Académie royale, elle, a été créée contre la maîtrise pour affirmer le côté noble de la peinture. Donc ce sont des artistes qui ont voulu se distinguer des maîtres peintres. Et tous les genres de peinture sont admis à l'Académie, mais la seule peinture qui est valorisée, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire, c'est-à-dire des tableaux généralement de grand format, avec des sujets tirés de la Bible, de l'histoire antique ou chrétienne, de la mythologie, et aussi tous les types d'allégories. Et dans cette peinture, la représentation du corps humain en mouvement, nu ou drapé, y tient une place prépondérante. Et pour l'enseignement, et notamment des filles, la question va tourner autour de la représentation du corps humain. Alors, dès sa création à l'Académie, elle a ce souci de former les jeunes artistes, et donc elle va ouvrir une école de dessin d'après le modèle vivant. Et c'est la première qui ouvre en France. Et c'est pour cette raison que les dessins d'hommes nus qui sont faits à titre d'exercice portent le nom d'Académie. Ça vient parce que la première école était l'école de l'Académie royale de peinture. En fait, c'est les anguilles d'école, c'est une salle qui est au Louvre, avec un professeur qui change tous les mois et qui surveille et corrige les travaux des élèves. Et ces cours sont complétés par des cours de géométrie, de perspective, et quand les finances le permettent, des cours d'anatomie. Mais les cours d'anatomie sont dispensés par généralement des chirurgiens qui sont extérieurs, donc il faut payer. Et l'Académie va aussi instaurer un système de prix, des petits prix chaque trimestre, et le grand prix, qui plus tard a pris le nom de prix de Rome. Il y a environ une centaine d'élèves en permanence, et c'est payant. L'école de l'Académie est payante. Seuls les garçons y sont admis, et le modèle est toujours un homme, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En réponse à cette création d'une école de l'Académie, la maîtrise des peintres décide de fonder sa propre école sous le nom d'Académie de Saint-Luc. Et c'est exactement le même modèle, avec un modèle qui pose devant des élèves, un professeur qui change chaque mois et des prix. Et elle va fonctionner de 1705 jusqu'à la suppression des corporations par Turgot en 1767. et elle aussi ne s'adresse qu'aux jeunes garçons. Et autant que j'ai pu trouver, enfin j'ai dépouillé tous les procès-verbaux de l'Académie royale, et bon, pour la maîtrise c'est plus compliqué, parce qu'il y a une partie des archives qui a brûlé, enfin c'est... Ça n'a jamais fait l'objet d'un débat. C'est une évidence que cette école n'est que pour les garçons. La question s'est jamais posée de si on devait admettre les filles ou pas. Vraiment, je n'ai trouvé aucune trace de discussion à ce sujet. Ça n'a jamais été envisagé. Donc, à côté de ces deux écoles qui, au fond, accueillent assez peu d'élèves, la règle générale, jusque très tard dans le XVIIIe siècle, c'est l'apprentissage en atelier. Et de toute façon, même les élèves des académies, parallèlement, suivent un apprentissage chez un peintre, parce que ces écoles donnent des cours de dessin, d'après le modèle, mais elles n'apprennent pas du tout à manier les couleurs, à charger une palette, tout l'aspect technique de la peinture n'est pas enseigné. Et donc, en général, les apprentis entre chez un maître entre 13 et 16 ans, et l'apprentissage dure en moyenne 5 ans. Et souvent, en tout cas lorsqu'il y a un contrat d'apprentissage, les apprentis sont logés chez le maître. Et les enfants de peintres apparaissent assez peu dans les contrats, parce qu'en général, ils font leur apprentissage dans l'atelier familial, soit chez les parents, soit chez un oncle, une tante, parce qu'il y a une très forte endogamie chez les peintres. Et donc... on place les enfants de préférence dans la famille. Et aussi, au niveau aussi de l'apprentissage, le voisinage joue un rôle important. Et par exemple, une peintre française de la fin du XVIIIe qui s'appelait Adélaïde Labille Guyard, qui n'était pas fille d'artiste parce que son père était mercier, on la retrouve dans l'atelier d'un peintre qui s'appelait François-Élie Vincent. Et c'est tout simplement parce qu'ils habitaient, il avait son atelier dans la même rue que la boutique du père. Pour les filles, autant qu'on puisse le savoir, parce que les archives sont très lacunaires, la règle, ça c'est plutôt une formation en cours privé, c'est-à-dire comme l'abbé Guyard qui se rend chez un peintre, alors de préférence apparenté à la famille, ou au moins avec ce lien de voisinage, donc quelqu'un que la famille connaît, et qui permet aussi à la jeune fille de ne pas loger chez le maître, mais de rentrer tous les jours chez ses parents. Et plutôt des cours soit particuliers, soit deux ou trois filles ensemble, mais sans mixité. Et donc cette formation, alors l'apprentissage existe depuis très longtemps, les académies, les écoles académiques donc depuis le milieu du XVIIe, et au milieu du XVIIIe siècle, le paysage va évoluer et changer. Pour les jeunes filles, la formation de peintre continue majoritairement à se dérouler auprès d'un ou plusieurs maîtres, mais... on va voir qu'il y a des évolutions dans l'organisation même des ateliers. Par exemple, alors, Vigée Lebrun, qui est quand même une des plus célèbres artistes de la fin du XVIIIe siècle, elle a laissé des souvenirs, et elle raconte qu'au début des années 1770, après la mort de son père, elle va en compagnie d'une de ses amies qui s'appelle Anne-Rosalie Boquet, chez l'académicien Gabriel Briard, pour apprendre à dessiner d'après des bustes antiques et d'après les propres académies du professeur. Donc elles dessinent d'après les dessins de leur professeur. Et donc ça, il s'agit des cours de type cours privé dont j'ai parlé. Mais en fait, dans les années 1780, on voit apparaître au sein de certains ateliers une forme de mixité. C'est-à-dire que dans le même atelier va accueillir à la fois des jeunes garçons et des jeunes filles. Et aussi, on voit apparaître ce qui est appelé dans le langage du temps des écoles de jeunes filles, qui elles, bon, comme le terme l'indique, n'accueillent que des filles, mais en plus grand nombre. Alors, pour ce qui est de la question de la mixité, alors on le sait de façon un peu indirecte, et notamment en 1787, il y a un échange de courriers entre le directeur des bâtiments du roi, qui a la supervision de l'académie, et il écrit à deux peintres qui ont un logement au Louvre. En fait, les peintres de l'Académie, le Louvre n'est plus habité par les rois, et les peintres de l'Académie ont des logements dans le Louvre et des ateliers qui sont un peu de bric et de broc, mais tout le monde se bagarre pour avoir un logement au Louvre. Et donc, le directeur des bâtiments va écrire à deux peintres qui sont logés au Louvre en raison de la présence de filles parmi leurs élèves. Et les deux artistes en question sont Jacques-Louis David, le célèbre David, et Joseph Benoît Suvé. Ça s'écrit S-U-V-E, accent aigu, E. Et à cette date, David a trois jeunes filles dans son atelier, les sœurs Laville-Leroux, sont Marie-Guillemine et Marie-Élisabeth. Et Marie-Guillemine Laville-Leroux, elle est plus connue sous le nom de Madame Benoît. Et il y a notamment au Louvre un portrait d'une femme noire qu'elle a réalisé, qui est absolument magnifique. Et sa sœur, elle n'a pas fait carrière. Et une troisième jeune fille qui s'appelait Mademoiselle Duchosal. Et suivez, on sait qu'il y avait au moins trois jeunes filles dans son atelier. Deux parentes, dont on ignore les noms. Une autre fillette qui avait été placée chez lui par Madame Adélaïde, une des tantes du roi Louis XVI. Et peut-être une quatrième qui s'appelait Nanine Valin, qui elle a fait carrière. Et le directeur des bâtiments du roi, le comte d'Angivillé, quand il apprend qu'il y a des jeunes filles qui viennent dans les ateliers de ces deux peintres, leur écrit pour leur interdire de recevoir des élèves féminines. Et les raisons qu'il invoque n'ont rien à voir avec l'art, et simplement il dit qu'il veut éviter pareil mélange de jeunes artistes de sexe différents. Parce qu'en effet, les jeunes gens et les jeunes filles risquent d'une part de se croiser dans des couloirs, de plus, pour d'Angivillé, la promiscuité dans l'atelier n'est pas tolérable. Et la seule solution pour lui, ce serait éventuellement que ces jeunes filles soient en pension chez les peintres. Il dit, dans ce cas, ce serait comme vos enfants, donc ce serait différent. Et les deux peintres vont se défendre chacun d'une façon différente. David va expliquer qu'en réalité, les trois jeunes filles ne sont pas ses élèves, mais celles de Madame Vigée-Lebrun, et qu'il ne les reçoit que le temps que Vigée-Lebrun termine des travaux dans son propre atelier. Et de plus, il explique bien que pendant que les cours ont lieu, elles sont dans une autre pièce que les garçons. Et David fait sa cour, on ne sait pas encore le révolutionnaire, il dit même qu'en fait il est très très soulagé qu'on lui interdise de recevoir des femmes. La réalité est un peu différente parce que j'ai retrouvé dans un compte-rendu d'exposition que Mademoiselle Duchosal, l'année d'avant, en 1786, est présentée comme une élève de David. Et les sœurs Laville-Leroux, elles sont tellement pas ses élèves qu'à la suite de cet incident, il va se rendre chez leur père pour leur donner des cours. Et voilà, donc puisqu'elles ne peuvent plus venir au Louvre, c'est lui qui se rend à leur domicile. Et il va même proposer à une autre jeune femme qui souhaite avoir des cours de se joindre à elle, d'aller à chaque cours chez les sœurs Laville-Leroux pour qu'il leur donne un cours à toutes les trois. Et on sait que David, il a eu par ailleurs au moins encore une dizaine d'élèves féminines. Et donc il essayait pour ne pas non plus multiplier les cours, de les regrouper autant que possible, et donc de faire une sorte d'école de jeunes filles avec trois ou quatre ou plus jeunes femmes. L'autre peintre, Suvé, lui, il se défend différemment et il explique que ces jeunes filles qui viennent dans son atelier sont les élèves de son épouse, qui était une miniaturiste, Charlotte-Louise Rameau, et que donc ces jeunes filles viennent apprendre la peinture avec son épouse, et que lui, il a ses élèves masculins, et son épouse, les élèves féminines, et qu'il y a une stricte séparation physique dans l'atelier entre les deux. Mais donc là, ce qu'on voit apparaître parce qu'il y a cet incident et cet échange de courrier, c'est que outre des cours particuliers, on commence à voir qu'il y a suffisamment de filles qui veulent apprendre pour que on leur donne un cours spécifique et qu'elles se rendent dans un atelier, ce qui est un petit peu différent, là pour le coup, par exemple, de la pratique amateur où c'est le professeur qui va se déplacer. Alors le directeur des bâtiments reste inflexible, il maintient son interdiction. Et l'année suivante, en 1788, il va opposer les mêmes arguments à Adélaïde Labiguillard qui sollicite un logement au Louvre. Et son argumentation, je cite, c'est « Cet artiste tient une école de jeunes personnes du sexe et comme il n'est aucun des artistes logés dans le voisinage qui n'ait plusieurs jeunes gens pour élèves, il en devait nécessairement résulter une confusion des jeunes artistes de différents sexes allant chez leur maître ou en revenant quelquefois par des corridors ou des escaliers obscurs qui ne pouvaient manquer de devenir dangereux pour les mœurs et de blesser la décence d'une maison royale. » Alors, c'est une lettre au comte de Provence, le frère du roi, qui soutenait la demande de la peintre. Et en fait, l'abbé Guyard n'obtiendra un logement au Louvre qu'en 1795, par l'intervention d'un de ses amis qui avait été nommé au bureau des musées. Et cette artiste, l'abbé Guyard, maintenant, elle est peu connue en France, mais elle est extrêmement célèbre à son époque. Elle était aussi célèbre que Vigée Lebrun. Mais la plupart de ses œuvres sont dans des collections privées ou dans des musées américains, donc on la connaît fort peu. Et pour cette femme, l'enseignement avait beaucoup d'importance. Et quand elle s'est représentée dans un très grand autoportrait qui est à New York maintenant, elle s'est représentée en compagnie de deux élèves, deux jeunes femmes. Et son atelier, c'est un des premiers ateliers féminins qui fonctionnait sur le même modèle que les ateliers de ses confrères, comme celui de David, par exemple. C'est-à-dire que, avant la Révolution, par exemple, il y a une dizaine de jeunes femmes qui viennent simultanément dans son atelier. Et il y a cette émulation qu'on pouvait trouver dans les ateliers où venaient des jeunes gens, se retrouve aussi dans l'atelier de l'abbé Guyard. Et ces jeunes femmes, par exemple, exposent en même temps dans des expositions publiques où elles se présentent comme étant les élèves de l'abbé Guyard. Et il y en a au moins 4 ou 5 d'entre elles qui ont fait carrière. Et c'est un modèle nouveau pour les jeunes femmes qui est exactement le même que celui des jeunes gens. Et notamment le fait de ne plus être en cours particulier mais d'être en cours collectif qui donne cette émulation. Et c'est une notion très importante à l'époque, l'idée que les élèves vont progresser davantage s'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Et la seule différence, pour le coup, avec les garçons, c'est que les élèves de la Bibliard ne peuvent pas suivre les cours de l'Académie royale. Donc là, ce qui apparaît dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est au fond, c'est une ouverture des ateliers et de formation aux filles. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, le véritable enjeu de la formation artistique, c'est sur la représentation du corps humain. Donc qu'en est-il pour les filles de l'étude du corps humain ? Il est extrêmement difficile d'avoir des informations, notamment pour les jeunes femmes ou pour les femmes, sur les études qu'elles ont pu suivre pour apprendre l'anatomie, la représentation du corps humain. Par exemple, toujours Adélaïde Labiguillard, elle était réputée pour la précision et la vérité des représentations des parties du corps qu'on voit sur ses portraits. Donc c'est essentiellement des têtes, des bras. Et son ami et biographe qui a écrit sa nécrologie juste après son décès, il s'appelait Joachim Le Breton, il explique qu'elle avait étudié les parties des sciences qui rebutent par leur abstraction, leur sécheresse, telles que l'anatomie et la perspective, mais il ne dit absolument pas de quelle façon elle s'est formée. Donc, j'ai un petit peu cherché, Et en fait, à partir du milieu du XVIIIe siècle, on se rend compte que les possibilités d'étudier l'anatomie humaine se multiplient. D'une part, il y a les cours publics dispensés au jardin du roi, et qui, à la différence des cours de l'Académie de médecine, sont en français et pas en latin. Et nous savons, alors, pour l'anatomie, pas humaine, mais en tout cas l'anatomie botanique, les cours étaient ouverts aux filles. Et simplement, dans la salle de cours, dans l'amphithéâtre, les filles et les garçons étaient sur des bancs séparés, mais ils suivaient absolument les mêmes cours. Pour ce qui est des cours d'anatomie humaine, je n'ai pas d'informations. Parce que c'est. Je crois qu'en fait. C'est un sujet qui gênait un petit peu, et alors dès que les sujets sont un petit peu gênants, on manque d'informations. Cela dit, on sait que le chirurgien Jean-Joseph Sue, qui donnait des cours d'anatomie à l'Académie royale de peinture, pendant la Révolution, enfin dans les années 1795-99, admettait les filles à ses cours. Et il donnait par ailleurs, hors de l'académie, des cours d'anatomie où il admettait les filles et les garçons mêlés. Il y a une autre nouveauté au XVIIIe siècle aussi qui peut, pour ce qui est de l'étude de l'anatomie, c'est l'ouverture au public de cabinets de cire anatomique. Et l'un des plus connus est celui de Marie-Marguerite Billeron, qui organise des visites pour la somme de 3 livres. C'est pas donné, mais enfin ça reste. Et surtout, elle dispensait des cours publics et des démonstrations qui s'adressaient aux jeunes gens des deux sexes. Et par exemple, Diderot a envoyé sa fille suivre des cours chez Mademoiselle Billeron. Et c'est une formation de 8 jours qui comporte des cours théoriques et des travaux pratiques à partir des moulages du corps humain. Là, si ça vous intéresse, je vous renvoie aux travaux d'Adeline Gargame. Notamment, il y a un article dans la revue en ligne Genre et Histoire qui est paru fin 2009, qui est assez complet. Autre façon d'étudier l'anatomie, ce sont ce qu'on appelle les traités d'ostéologie, c'est-à-dire d'anatomie des os, ou de myologie, qui est l'anatomie des muscles. Et bon, il en a toujours existé, mais ce qu'on constate à partir des années 1770, ce sont des traités explicitement destinés aux artistes. Par exemple, en 1773, Gautier d'Agoty publie un cours complet d'anatomie avec des planches en couleur. Jean-Joseph Sue, dont j'ai déjà parlé, publie un précis de cours d'anatomie à l'usage des élèves. Et son fils, qui porte le même nom, Jean-Joseph Sue, édite, lui, des éléments d'anatomie à l'usage des peintres, des sculpteurs et des amateurs. Et dans la préface de son ouvrage, Jean-Joseph Sue défend les femmes artistes et leur droit à avoir une formation complète. Donc ces traités s'adressent aussi aux femmes. Et alors, sur la feuille que je vous ai donnée, vous avez un personnage crucifié, et c'est tiré d'un recueil d'ostéologie et de gnologie publié à Toulouse par Jacques Gamelin. Et là, c'est explicitement à destination des artistes, et les squelettes ou les écorchés sont présentés dans des poses qui sont déjà quasiment toutes prêtes pour faire des tableaux. Donc vous avez des squelettes à genoux en prière, ou comme celui-ci, un écorché qui est mis en croix pour faciliter le travail des artistes. Et j'ai pas de preuves positives, c'est-à-dire que j'ai pas une artiste qui un jour dit je me suis inspirée du traité de monsieur Truc pour représenter. Mais c'est évident que pour une femme, c'est une possibilité, et en plus discrète, d'étudier l'anatomie une fois que le livre, elle peut l'étudier chez elle. Et donc je pense qu'un certain nombre de jeunes femmes et de femmes ont étudié l'anatomie à partir de ces livres. Là où ça devient plus problématique pour les jeunes femmes, c'est quand elles veulent étudier le modèle vivant, qui est quand même, je vous le rappelle, la base de la formation académique pour les jeunes garçons. Dans le témoignage de Vigée Lebrun que je vous ai cité rapidement tout à l'heure, donc quand elle va chez Gabriel Briard, elle explique qu'elle dessine d'après des bustes antiques et les académies du professeur. Et donc, ce qui ressort de là, c'est qu'elle ne dessine pas d'après un modèle vivant, mais elle dessine d'après des moulages ou d'après déjà des dessins qui, eux, ont été faits d'après un modèle vivant. Et c'est une pratique ancienne, c'est-à-dire chez les garçons aussi, dessiner d'abord d'après des dessins de leurs professeurs. Mais chez les garçons, c'était une étape avant de passer à l'étude du modèle vivant. Et pendant longtemps, pour les filles, c'est resté la dernière étape, elles n'allaient pas plus loin. C'est-à-dire, elles se contentaient de dessiner d'après des reproductions. Et par exemple, Vigée Lebrun, elle raconte qu'elle, alors elle ne parle jamais, elle ne dit jamais avoir étudié d'après le modèle vivant. Elle raconte qu'elle a appris à dessiner le corps humain en visitant des collections, et notamment les tableaux de Rubens qui l'ont beaucoup, beaucoup inspirée. Et on retrouve dans certaines œuvres de Vigée Lebrun, notamment il y a un tableau qui s'appelle La Bacchante assise, qui est au musée Camondo à Paris, s'inspire d'une figure de l'apothéose Henri IV qui à l'époque était au Luxembourg, qui maintenant est au Louvre. Alors, comme pour l'anatomie, pour la représentation du corps humain nu, mais pas des muscles ni des os, avec la peau et le... On trouve aussi désormais des suites gravées de tête et de corps, ce qu'on appelle des académies, non ? Par exemple, le graveur Louis-Marin Bonnet proposait une suite de 22 académies de femmes d'après le peintre Lagrenet, qui étaient vendues séparément, 15 sols chacune. Et il y a aussi ce qu'on appelle les têtes d'expression, qui sont en fait dans la lignée de Lebrun avec l'expression des passions. Donc on dessine des têtes, la colère, le chagrin, toute une série. Et ces suites gravées d'académie diffèrent des livres à dessiner, complets les livres à dessiner, qui s'adressaient plutôt à des amateurs, dans lesquels, à la limite, on pouvait décalquer les dessins, alors que les recueils d'académie s'adressent à des futurs professionnels. Mais pour un certain nombre... Alors, c'est là qu'on voit une différence au XVIIIe siècle par rapport au siècle précédent, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes femmes qui ne se contentent plus de ces possibilités-là, et qui veulent avoir accès à la même éducation que les garçons. Et elles vont accéder, enfin en tout cas, pour un certain nombre d'entre elles, aller dans des cours de modèles vivants. Alors, il y a plusieurs types d'enseignement. Il y a, alors d'abord, les écoles, alors je vous ai parlé de l'école académique à Paris, à l'Académie de Paris, mais au XVIIIe siècle, les académies de peinture se multiplient en France, dans les grandes villes. Souvent, elles sont soutenues par les autorités locales. Et outre l'académie, elles sont en général couplées à une école de dessin, et qui reprend le modèle parisien avec plus ou moins de moyens. Et contrairement à Paris, dans les villes de province, l'exclusion des filles n'est pas systématique. Et j'ai trouvé, par exemple, à Rouen, non seulement les jeunes filles sont admises à l'école de l'académie, mais elles participent aussi au concours. Et entre 1749 et 1783, 6 jeunes filles vont obtenir en tout 11 prix de dessin ou de prix d'après des moulages. Et à Toulouse, on a un peu d'archives parce que chaque année, l'Académie de Toulouse organise une exposition et on a une suite continue de livrets de 1751 à 1791. Et là, les femmes représentent 13% des exposants, avec une hausse régulière, et dans la dernière période, il y a en moyenne une vingtaine de femmes par exposition. Et parmi ces femmes, 90% sont des élèves de l'Académie, qui présentent des dessins au crayon, à la plume ou des pastels copiés sur des peintures ou des gravures. Et en 1786, pour la première fois, une jeune femme, une demoiselle Lombard, va présenter une académie au crayon rouge qui est réalisée d'après Gamelin, et je suppose que c'est d'après le recueil de Gamelin dont je vous ai parlé. Et en 1790, une élève appelée Marie Séven va remporter le troisième prix de figure d'après le modèle vivant. Et c'est la première mention que j'ai trouvée de l'existence de cours de modèle vivant dans des académies qui soient ouverts aux jeunes filles. On n'en sait pas plus. Par exemple, je n'ai pas pu savoir s'il y avait une classe spécifique pour les filles ou si elles étaient dans la même salle que les garçons. Et je ne sais absolument pas si la figure était totalement nue, si elle avait un pagne, et on ne sait même pas si la figure dessinée était un homme ou une femme. C'est quelle date, j'ai pas compris. 1790. Sachant que l'académie est supprimée en 91. Oui. Alors, ce qui est encore plus... autre innovation de cette période, c'est qu'à partir des années 1770, on voit s'ouvrir des écoles privées de modèles qui viennent battre en brèche le privilège de l'Académie royale, qui normalement était la seule à pouvoir proposer une classe de modèles vivants. Le problème, c'est que ces écoles privées sont à peu près pas documentées. On ne le sait que de façon indirecte, on ne connaît leur existence que de façon indirecte. Et en plus, c'est parfois très informel parce que ça peut être tout simplement quelques étudiants qui se cotisent pour louer un local et un modèle. Ou alors ce sont des personnes à qui on dit qu'elles ont une anatomie intéressante et qui se disent que c'est un moyen de gagner leur vie et qui donc disent voilà, j'ouvre une école et qui posent elles-mêmes au milieu de... Il ne suffit de pas grand-chose, hein, il faut un podium, une salle, un poêle et puis c'est... L'école existe. Et en fait, la plupart de ces écoles, on les connaît parce que, par la lutte acharnée, je dirais vaine, menée par le directeur des bâtiments pour les faire fermer. Par exemple, alors on en a une première trace en 1775, quand le directeur des bâtiments envoie une lettre au directeur de l'Académie royale pour lui signifier son désaccord avec ses pratiques. Et en fait, il ne le dit pas explicitement, mais il voudrait que le directeur de l'académie interdise aux élèves de l'école de l'académie d'aller dans ses cours, dans ses écoles privées. Et pour le directeur des bâtiments, les écoles privées de modèles sont une source de désordre à plusieurs niveaux. Donc le premier, c'est qu'elles pourraient laisser penser aux élèves qui peuvent se passer de l'académie royale pour réussir, et que ça va les rendre indociles aux règles qui sont très strictes. Mais il y a plus grave. Donc là, je cite le comte d'Angivilliers. Un abus plus dangereux encore est l'entrée qu'on m'a assuré être donnée dans ces écoles particulières à des femmes ou filles artistes pour dessiner d'après le modèle nu. Celui-ci intéresse essentiellement les mœurs, et dans un temps où Sa Majesté a manifesté à l'Académie ses intentions à l'usage auquel elle désire que servent les arts relativement aux mœurs nationales, je ne puis trop vous marquer d'attention sur cet objet. Mais concrètement, il n'a aucun moyen de faire cesser ces pratiques, et pour le coup, il n'y a aucun moyen de pression sur les jeunes femmes puisqu'elles ne font pas partie de l'école de l'Académie royale. Mais cette lettre au moins confirme une chose, c'est que non seulement des jeunes femmes allaient prendre des cours de modèle, mais qu'en plus elles étaient mêlées aux garçons dans ces cours. Et le mouvement ne s'arrête pas malgré les imprécations du directeur des bâtiments, et Margaret Oppenheimer, qui a travaillé sur le sujet, a trouvé des preuves de présence féminine dans des cours d'anatomie et de modèles nus, au moins jusqu'à la fin du Premier Empire. Il semble qu'après, ça se referme un peu. Donc, on constate que pour les jeunes femmes, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, s'ouvrent vraiment des possibilités accrues pour devenir peintre professionnel et surtout suivre un cursus presque identique à celui des jeunes gens. Et pour moi, voilà, les deux éléments qui ressortent, c'est que d'une part, les jeunes femmes se mettent à étudier l'anatomie et le modèle vivant, et qu'elles ne s'en cachent pas, ou en tout cas ne s'en cachent plus, et que ça, du coup, on arrive à le voir émerger dans des archives. Et d'autre part, il y a une certaine, je dirais, une timide mixité qui fait son apparition dans les cours. Donc j'en viens maintenant à la... C'est bien, c'est très très bien. J'en viens maintenant à la polémique. Parce que quand je vous parle des lettres du directeur des bâtiments qui écrit au directeur de l'académie, ça reste interne à l'académie. Ce sont des lettres qu'on connaît maintenant parce qu'on les a retrouvées dans les archives de l'académie, qu'elles sont intégrées aux procès-verbaux. Mais à l'époque, ça n'est pas arrivé jusqu'au public. Et Le directeur des bâtiments, il était vraiment très, très cohérent dans ses, dans ses opinions, parce que, par exemple, à l'occasion de la réception de Vigier-Lebrun à l'Académie, il en a profité pour demander au roi qu'on limite à 4 le nombre de femmes à l'Académie, alors que le nombre d'hommes n'est pas limité. Ce n'est pas comme l'Académie française où ils sont 40, l'Académie de peinture, le nombre n'est pas limité. Et il explique qu'en fait, les femmes, on peut limiter leur nombre parce qu'elles ne seront jamais utiles au progrès des arts, parce qu'elles ne peuvent pas étudier d'après nature. Vraiment, lui, ça le... c'est une obsession. Oui. Donc, bon, comme je reprends, les histoires internes de l'Académie n'arrivent pas jusqu'au public. Mais, quand même, cette idée que des femmes suivent des cours de modèles et souhaitent, à partir du moment où elles vont maîtriser la représentation du corps humain dans son entier et du corps humain nu, ça veut dire qu'elles peuvent accéder à la peinture d'histoire, à représenter des scènes, je sais pas moi, l'histoire romaine, où ils sont, évidemment, ils sont tous en petite jupe et à moitié dénudés. Donc, elles vont accéder à des types de peinture auxquels un artiste, homme ou femme, qui n'a pas étudié le corps humain ne pourra pas accéder. Il y a une institution de l'Ancien Régime qui s'appelle le salon de peinture, qui est un petit peu différente de l'idée qu'on peut avoir du salon. Avant la Révolution, le salon, il a lieu tous les 2 ans et il n'est ouvert qu'aux membres de l'Académie royale. Mais c'est un lieu très important, qui est très visité. Il y a, un historien de l'art a fait une étude d'après les ventes de livrets et il estime que... il y avait environ 60 000 personnes qui visitaient le salon chaque année. C'est 10% de la population parisienne de l'époque. Et chaque salon suscite un flot d'articles de journaux et de brochures qui se vendaient un peu sous le manteau à l'entrée du salon. Et ce sont les débuts de la critique d'art. Et en étudiant ces livrets de salon, j'ai trouvé des allusions au fait que les jeunes femmes maintenant étudient le modèle vivant. Dès 1773, donc c'est le deuxième texte que je vous ai donné qui commence sur la troisième colonne. Donc dans les dialogues sur la peinture, c'est un dialogue entre deux personnes et Monsieur Rémy défend les femmes. Et notamment, il parle de jeunes femmes qui vous dessinent des académies tout aussi fièrement que Michel-Ange, et qui néanmoins sont jeunes, jolies et vierges. Alors, vous allez voir que ça a son importance dans la polémique. Et l'auteur encourage cette pratique en disant « Cette connaissance profonde du dessin donne un tact sur un sentiment exquis pour la grandeur des formes. » Et il dit « Quelques imbéciles s'opposant au progrès des arts ont voulu critiquer cette étude de la nature, mais nous commençons à nous décrasser en France sur tous les préjugés. » Donc là, il est un peu optimiste. Et ce texte, qui est publié anonymement, comme la plupart des brochures sur le salon, et avec, souvent les titres sont fantaisistes, mais les éditeurs aussi, donc là, l'éditeur, c'est Tartouilly. Voilà, et parfois, bon, non, il y a des choses assez drôles parmi les titres... Parce que évidemment, c'est publié sans autorisation, ça ne passe pas par la censure. Donc on met un lieu fictif, un éditeur fictif, parce que parfois il y a un peu de polémique politique aussi dans ces textes. Là, c'est pas le cas. Et en fait, ce texte, on sait maintenant, bien qu'il ait été publié anonymement, quel en est l'auteur. Et l'auteur s'appelle Antoine Renoux. C'est intéressant parce que Antoine Renoux, qui était peintre, était aussi, alors pas encore en 73, mais quelques années plus tard, est devenu secrétaire de l'Académie royale de peinture. Et donc finalement, cette Académie royale de peinture qui n'ouvre pas son école aux filles a en son sein un défenseur de l'étude du modèle par les jeunes femmes. Et en 1783, il y a une autre brochure qui s'appelle « Appel au salon » réclame, je n'ai pas mis d'extrait parce que c'est très court, mais dans cette brochure, l'auteur, alors là, qui est resté anonyme, réclame pour les femmes la même éducation artistique que pour les hommes, c'est-à-dire l'accès au modèle nu. Et son argument, c'est de dire, mais si les jeunes femmes avaient la même éducation que les hommes, elles seraient absolument leurs égales en talent et en tout. Il y y a, alors, la polémique dont je parle, elle éclate en 1785, en juin et juillet, dans des journaux, dans le journal général de France, dont l'autre titre est affiche, annonce et avis divers. C'est un journal de petites annonces, mais parfois il y a des auteurs écrivent au journal sur un sujet. Par exemple, en cherchant, j'ai trouvé une longue lettre sur la mort de Pilâtre de Rosier et son accident. Et donc en juin 1785, un anonyme écrit au sujet d'une exposition de peinture. Et il va s'attirer une réponse dans le journal de Paris. Donc je vous ai mis le texte que je vais citer, mais pas en entier. Mais je n'ai pas mis le texte tout à fait en entier sur la feuille, mais les passages les plus intéressants. Donc l'exposition en question, c'est ce qu'on appelait l'exposition de la jeunesse, qui avait lieu chaque année pour la fête Dieu. Et pendant une journée, sur la place Dauphine, les jeunes artistes pouvaient accrocher leur tableau, sauf s'il pleuvait. Et ça durait la journée, le public pouvait venir voir. Et il y a aussi pas mal de critiques d'art et de journalistes qui venaient parce que, en gros, l'idée, c'était d'essayer de déceler les futures vedettes, les futurs peintres. Il y avait quelques comptes rendus dans les journaux. Et donc, en juin 1785, un auteur anonyme envoie une lettre où il trouve que c'est un scandale absolu que les jeunes femmes pratiquent la peinture et notamment peignent des corps dénudés. Et son argumentation, c'est évidemment il va jouer sur la décence et la pudeur. Donc je cite, « Les règles de la décence seront-elles respectées par des personnes du sexe dont les yeux sans pudeur auront été accoutumés à voir tous les jours un homme complètement nu ?» Et pour lui, c'est dénaturer, je cite, « dénaturer les femmes que de leur apprendre la peinture et il s'en prend aux parents qui permettent à leurs filles d'aller dans des cours de modèles nus. » Et donc, cet anonyme va s'attirer une réponse dans le journal de Paris, et qui, elle, est signée, et qui retrouve-t-on ? Antoine Renoux, qui, fidèle aussi à ses opinions, défend les femmes, et il a des arguments très intéressants, parce que lui, il parle en praticien. Et très précisément, il dit que le modèle n'est pas entièrement nu, il dit qu'on a eu soin de le rendre à la pudeur publique. C'est-à-dire que concrètement, le modèle qui pose quand il y a des jeunes femmes a un petit paille pour cacher les parties honteuses, comme on disait. Et en tant que praticien, il explique qu'en fait, la vue continuelle de la nudité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'échauffe pas, mais aurait plutôt tendance à refroidir les sens. je vous cite, « C'est bien peu connaître le cœur humain que de croire que la satiété de la vue soit un aiguillon pour les sens. » Ceux qui ne sont pas initiés à nos arts ignorent que la nécessité de consulter la nature dévoilée, loin d'être une volupté, est plus souvent un dégoût attaché à notre état. Que l'on interroge les médecins, les chirurgiens et les filles chastes consacrées à soulager l'humanité souffrante, on verra que leur réponse sera la même. Et Renoux, il explique que grâce à la peinture, des jeunes femmes sont en mesure de gagner honnêtement leur vie et de faire vivre leur famille. Et il dit... Je cite, « Pourquoi ôter par des déclamations vagues à ce sexe déjà dépourvu de tous les moyens pour subsister la ressource que leur présente un talent honnête ?» Mais alors, cette polémique retombe, elle est quand même suffisamment importante pour qu'on en trouve un écho dans les mémoires secrets, par exemple, qui en font état. Mais j'ai retrouvé, donc quelques années plus tard, en 1791, donc c'est le dernier texte qui est sur la même page que les deux images, dans les lettres, des lettres sur le tableau, sur le salon de 1791, on se rend compte que les adversaires des femmes et du modèle nu n'ont pas désarmé. Et c'est un texte qui n'a pas d'intérêt en soi, parce qu'il reprend les arguments éculés, mais moi, son seul intérêt, c'est qu'il dévoile vraiment les fantasmes masculins que l'étude du modèle nu par des jeunes femmes pouvait susciter. Et je vous le lis rapidement. Par exemple, il dit des jeunes filles exposées à toutes les séductions, jetées, confondues parmi des tas de garçons, dessinant au milieu d'eux des hommes entièrement déshabillés et exposés dans toutes les attitudes, qui manifestent quelquefois de la manière la plus sensible l'impression que des jeunes filles font sur eux et que j'ai vu forcer de quitter leur situation pour se retirer à l'écart. On est dans le fantasme total, là, vraiment. Et il dit que lui, jamais il ne voudrait d'une telle jeune femme pour épouse. Alors, la question que je me suis posée, c'est que par exemple, donc, je vous ai parlé de Toulouse où une jeune femme a obtenu un prix d'après le modèle nu, apparemment sans aucune polémique. Alors pourquoi ce qui fait polémique à Paris ne le fait pas à Toulouse ? À Toulouse, j'ai regardé les préfaces des livrets des salons et dans les préfaces sont assez éclairantes parce que dans un certain nombre d'entre elles, les auteurs encouragent la pratique du dessin chez les femmes, mais ils parlent d'agréable amusement qui les éloigne des activités frivoles. Et en fait, quand on lit bien les textes, ils n'envisagent que la pratique amateur. Et à Toulouse, les élèves dont on a les noms, et dont, là, c'est pas moi qui ai fait l'étude, mais il y a des historiens locaux qui ont un petit peu étudié, en fait, les filles qui fréquentent l'école académique de Toulouse sont en majorité de la noblesse, de la robe ou de la haute bourgeoisie locale. Et elles ne se destinent pas à la profession de peintre, elles le font, ce sont les arts d'agrément que toute jeune femme doit connaître. Alors qu'à Paris, les jeunes femmes qui présentent leurs ouvrages Place Dauphine, à l'Expo de la Jeunesse ou au Salon de peinture en 1791 sont des peintres professionnels ou qui aspirent à le devenir et qui veulent vivre de leur art. Et ces jeunes femmes qui pratiquent le modèle nu, c'est pour aussi accéder à la forme de peinture la plus valorisée, qui est la peinture d'histoire, ou un genre aussi qui est à la mode à la fin du XVIIIe, qui est des scènes tirées de romans sentimentaux. Et ces femmes-là, elles se trouvent en concurrence directe avec les hommes. D'autant plus si elles ont la formation la plus complète. Donc, non seulement elles peuvent accéder à un des genres les plus lucratifs, qui est le portrait et le portrait en pied, notamment. Les portraits en pied, ce sont les plus grands personnages. Et elles peuvent aussi accéder à la peinture d'histoire, qui n'est pas le genre qui va rapporter le plus d'argent, mais qui, en tout cas, est le plus prestigieux. Et ce qui fait penser que c'est bien la concurrence qui fait réagir négativement un certain nombre d'hommes, c'est que, évidemment, ils mettent toujours en avant la décence et la pudeur, mais en général, on trouve quelques lignes plus loin à quel point l'étude du nu est inutile pour les jeunes femmes, parce que de toute façon, elles ont une incapacité naturelle à la création et que les grands sujets leur sont inaccessibles. Il y a notamment une brochure sur le salon qui s'appelle le Triumvirat des Arts, qui est une des brochures les plus misogynes, qui résume en quelques lignes cette position et qui dit « Le bras, la tête, le cœur des femmes sont privés des qualités essentielles pour suivre les hommes dans la haute région des beaux-arts. Si la nature en produisait une capable de ce grand effort, ce serait une monstruosité d'autant plus choquante qu'il se trouverait une opposition nécessaire entre son existence physique et son existence morale. Aussi, le vaste champ de l'histoire, qui n'est rempli que d'objets vigoureusement passionnés, est fermé pour quiconque n'y saurait porter tous les caractères de la vigueur. Cependant, on permet aux femmes d'exercer leur talent sur quelques sujets qui n'exigent que de la délicatesse et des grâces. » Donc, voilà, une femme qui voudrait peindre les sujets d'histoire et qui pour cela irait apprendre à dessiner le modèle vivant, le ferait au détriment de son tempérament et littéralement se dénaturerait. Donc pour conclure, le XVIIIe siècle, surtout la deuxième moitié, est une période avec de profonds changements dans l'éducation artistique, et notamment pour les filles, et avec donc cette multiplication des écoles de beaux-arts, publiques ou privées, qui prennent une place de plus en plus importante au détriment l'apprentissage traditionnel. Même si la formation en atelier reste très importante et continue à jouer un rôle central, mais ce sont les ateliers, comme on verra au XIXe siècle, c'est-à-dire l'atelier de David est le plus connu, avec entre 10 et 20 jeunes gens qui viennent prendre le cours et qui ensuite rentrent chez eux, et non pas, ce n'est plus le système d'apprentissage avec l'apprenti qui loge chez le maître. Pour les jeunes femmes, on voit qu'elles ont accès à une meilleure formation et surtout une formation plus complète. Et leur présence se banalise dans les cours de dessin et d'anatomie. Et la persistance des réactions virulentes prouve que aussi la persistance du phénomène. Et cette création d'écoles de beaux-arts et d'écoles de modèles va de pair avec une valorisation de la peinture comme activité intellectuelle et donc activité liée au génie. Et en fait, plus la peinture va être valorisée et plus la présence des femmes pose problème. Et ça, on le voit pas seulement pour la formation. Ça, moi, je m'en suis rendu compte au niveau à l'académie. Enfin, les polémiques sont de plus en plus vives au fur et à mesure que les femmes investissent davantage le champ de la peinture. Et c'est en raison de cette valorisation et de cette présence accrue des femmes qu'il y a des attaques violentes contre les lieux et les personnes qui permettent aux femmes d'avoir une formation artistique de qualité. Et quand les arguments de la pudeur et de la décence visent en fait à renvoyer les femmes à l'espace privé dont elles ne devraient pas sortir. Et un dernier aspect qui est que les adversaires de l'étude du modèle vivant par les femmes en fait ont une idée, l'idée d'un partage genré des genres picturaux. On peut jouer sur le mot genre, mais c'est-à-dire qu'en fait pour les hommes il y aurait ce qu'on appelle le grand genre, c'est-à-dire la peinture d'histoire et même le portrait. Et pour les femmes, on leur réserverait les petits genres, les sujets sentimentaux, la nature morte, les fleurs, la miniature. Et c'est un partage qui au fond est encore très... beaucoup de gens avec qui je parle pensent que c'est un partage qui a toujours eu lieu, alors qu'en fait c'est une idée qui naît dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Et par exemple au XVIIe siècle, les peintres de miniatures, même les brodeurs, n'est-ce pas Nicole, on trouve plus de brodeurs que de brodeuses. Et donc ce partage... où en fait il y aurait, selon les genres, certains seraient pour les hommes et d'autres pour les femmes, c'est une idée qui naît dans le dernier quart du 18e et qui va se propager au 19e et qui heurte de plein fouet cette volonté des jeunes femmes, elles au contraire, de pouvoir accéder à la formation la plus complète. Merci Sandrine.